Dieu se fit chair parce que l'objet de son œuvre n'est pas l'esprit de Satan, ni tout autre être incorporel, mais l'homme. La chair de l'homme fut corrompue par Satan et devint l'objet de l'œuvre de Dieu. Le salut de Dieu s'opère en l'homme. L'homme est un être mortel de chair et de sang, et Dieu est le seul qui peut le sauver. Dieu doit porter la chair de l'homme, tout ce qu'est l'homme, pour faire son œuvre et obtenir les meilleurs résultats. Porter la chair, car l'homme est charnel et ne peut vaincre le péché ni se libérer de l'esclavage de la chair. Satan a corrompu la chair de l'homme. L'homme est profondément blessé et aveuglé. La raison pour laquelle Dieu vient en chair, c'est parce que l'homme est l'objet de son salut. Et Satan perturbe l'œuvre de Dieu à travers la chair. Conquérons l'homme, sauvant l'homme au même moment. Par à Dieu lui-même doit s'incarner afin d'accomplir son œuvre. Satan a corrompu la chair de l'homme. Et Dieu doit le vaincre pour combattre Satan et sauver l'homme. Dieu doit venir sur la terre et se faire chair. Vraiment Satan, son œuvre dans le règne de l'esprit devient pratique, réelle sur terre et dans l'homme. Celui que Dieu conquiert, c'est l'homme obéissant, tandis que la personnification de Satan est vaincue. En fin de compte, le sauver, c'est l'homme. Et prêt. dois le conquérir. L'âme est l'objet du salut de Dieu. Dieu doit porter la chair, devenir un homme. Ainsi son travail devient plus facile.